Les éditions de l'Avenir présentent Urgence, urgence de Christian Martin, lu par Christian Martin. Sonny ne s'attarda pas à l'astroport. L'urgence se lisait sur son visage. Juste le temps de récupérer sa mallette, il sauta dans un taxi qui décolla aussitôt. On l'avait appelé. Et cet appel, il l'avait ressenti à travers toutes les fibres de son être. Urgence. Urgence. Sonny tortilla ses doigts en regardant la jungle des tours d'habitation de la métropole défiler sous lui. Il lui semblait qu'elle s'étendait à l'infini. Trop long. Beaucoup trop long. On l'avait appelé. Il était venu. Il avait tout laissé. Son boulot, ses copains, sa famille, son monde natal, sa vie. Et il était venu sur Cristal. Urgence. Urgence. L'appel l'avait saisi en pleine partie de balle au pied et il était venu. On s'était inquiété pour lui parce que, contrairement à sa nature, il se montrait agité, erratique, têtu, passionné. On s'était inquiété, le croyant fiévreux, malade. Et plus encore, quand il avait emprunté les crédits nécessaires à son voyage. Sonny, farouche défenseur de son indépendance, avait emprunté des crédits. Et il était parti, comme ça, sans un mot d'explication, sans même un nous revoir. Sonny interrogea encore le conducteur informatique. Est-ce encore loin? La machine, une nouvelle fois, alluma l'écran et montra leur position par rapport à leur destination. Combien de temps encore? Quatre chiffres se superposèrent à la carte. L'unité de temps local différait de celui de son monde, mais pour Sonny, c'était trop long. Toujours trop long. Urgence. Urgence. Il s'était hâté, avait sauté dans le premier vaisseau qui reliait directement son monde à Cristal, sans escale. Une barcasse. Un vieux cargo dont le capitaine lui avait chargé le prix fort pour son passage. L'inconfort et la piètre qualité des repas avaient atteint des sommets inégalés dans l'expérience de Sonny. Il n'avait jamais été riche, mais avait toujours vécu décemment. Devant les avances du capitaine, le jeune homme s'était finalement enfermé dans sa cabine. Le voyage était fait long, très long. À tourner en rond dans la pièce minuscule. Il y avait d'urgence, et le cargo qui semblait se traîner, et Sonny qui ne trouvait aucun moyen d'en forcer la marche. Il avait, plus d'une fois, regretté son embarquement sur le vieux cargo, se disant qu'un transpatial, avec une demi-douzaine d'escales, aurait fait plus vite. Sonny consulta sa montre une fois encore, et se grugea à l'intérieur de la joue. Un coup d'œil par la fenêtre. La ville n'en finissait plus de défiler. C'est encore loin? À nouveau, la carte sur l'écran. Il ne s'était que peu rapproché de la destination. Pourquoi ne va-t-on pas plus vite? Se plaignit-il. L'ordinateur afficha que la vitesse était réglementée dans cette zone, où le trafic aérien était intense. Sonny, qui ne s'était pas attendu à une réponse, soupira. Comme pour le cargo, pas moyen d'accélérer l'allure. Enfin, la masse des gratte-ciels s'étiola sous le taxi, le trafic se dilua, et la métropole fit enfin place à une campagne jaunâtre. Le taxi se posa. Sonny, tremblant. Glissa sa carte de crédit dans la fente prévue à cet effet et la portière s'ouvrit. Sonny s'éloigna, mallette à la main, sans un regard pour le véhicule qui retournait vers la métropole. Il ouvrit sa tunique sous les rayons que dardait le soleil. Dans l'air climatisé du taxi, il n'avait pas remarqué combien d'étoiles cristallines tapaient. Il se hâta, dévala un sentier bordé d'une herbe jaune, sèche, cassante. Les arbres du petit boisier qu'il traversa n'arboraient qu'une maigre parure d'un feuillage rare et brûlé. Le sentiment d'urgence se fit encore plus pressant en Sonny, et sa marche rapide devint un pas de course. La soif le tenaillait, mais jamais il n'aurait ralenti pour si peu. Maintenant, le soleil était à son zénith. Il approchait, il le savait, il le sentait. Sonny faillit chuter. Son pas s'était fait moins assuré depuis la dernière heure. Mais le but n'était plus loin. Le puits se dressait devant lui. D'un revers de manche trempé, il essuya son front. Il arrivait. Ce ne serait plus long maintenant. Encore un peu de courage. Sonny escalada le remblai et trouva intuitivement l'entrée de la grotte. On le guidait, facilitait son passage, lui évitait les parcours trop hasardeux. Sonny ne réfléchissait pas. Il écoutait, faisait confiance. Sans hésitation, il s'orientait, posait le pied où il fallait, comme lors des parties de balle au pied. Quand il se retrouvait devant le but de l'adversaire, il agissait par intuition. L'urgence, quoique toujours présente, se teintait maintenant de soulagement et de joie. Il arriverait à temps, tout irait bien. Le cours d'eau souterrain qu'il suivait depuis peu le mena dans une crypte où on l'attendait. Il vit 21 personnes, toutes issues d'un monde différent. Il vit sa place dans le demi-cercle. Il la rejoignit, s'assit à même le sol en position du lotus. Le calme l'habitait à nouveau. Le sentiment d'urgence n'était plus qu'une arrière-pensée. Il ouvrit sa mallette et en sortit un fragment de cristal qu'il déposa sur son petit socle de bois rouge, juste devant lui. Ce minuscule fragment, son bien le plus précieux, légué jadis par sa mère, servirait d'intermédiaire entre lui et le maître cristal qui se trouvait au point focal du demi-cercle. Maintenant, le travail allait pouvoir commencer. Il fallait tisser à nouveau la tunique en lambeaux de la planète avant que son soleil ne l'ait tué de l'ardeur de son amour.